Âprement, de Poème par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Camisole. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Âprement. 1. Dans leur cadre d'ébène et d'or, les personnages d'Anton morts persécutent de leur silence. Ils vous imposent leurs pensées, ce n'est pas eux que vous fixez, mais ce sont eux qui vous commandent. Masque terreux, visage dur, serrés dans leurs secrets obscurs et leur austérité méchante. Haute allure, maintien cruel, orgueil rigide et textuel, baron, docteur et capitaine. Leurs doigts sont maigres et fluets, ils fignoleraient des jouets et détraqueraient des empires. Ils cachent sous leur front chétif les fiers vouloirs rébarbatifs et les vices des tyrannies, et les ennuis de leur cerveau scellés comme d'obscurs caveaux au banal soleil de la vie, et le caprice renaissant de voir du sang rosir le sang séché trop vite au coin des ongles. 2. Sur le bloc de granit ancien mordu de fer, une idole est debout, le mystère la masque. Un diamant se mêle à la nuit de son casque. Sur le bloc de granit ancien mordu de fer, elle impose là-bas son dardement de pierre, sans que depuis 1000 ans ait bougé sa paupière. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, le chef qui se prolonge, ainsi que les murailles, redressent immensément un front de funérailles. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, les deux seins noirs, pareils à deux lunes funèbres, laissent deux baisers froids tomber en des ténèbres. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, les hauts bras étendus, dont les mains sont coupées, tendaient pour les vaincus l'orgueil droit des épées. Sur le bloc de granit ancien, mordu de fer, le ventre, enguirlandé d'une toison virile, reluit lividement, magnifique et stérile, sur le bloc de granit ancien, mordu de fer. Fin de Âprement.